Salut les Brunos, vous le savez sans doute, j'aime bien déconner. Alors aujourd'hui, j'ai très envie de vous parler de La main qui tue, réalisé par Rodman Flanders et sorti en 1999. L'histoire est celle d'Anton, incarné par Devon Sawa, que l'on retrouvera dans Destination Finale, un glandeur complet qui passe ses journées devant la télé à fumer de la beuh avec ses deux potes, quand il n'essaye pas de draguer maladroitement sa jolie voisine, interprétée elle par Jessica Alba, tout juste sortie de Flipper. Alors qu'un tueur en série semble sévir dans le voisinage, Anton découvre ses parents morts et demande l'aide de ses potes. Mais il les tue contre sa volonté puis les enterre. Comprenant que sa main est possédée, il tente de remédier à ce problème, alors que ses potes sortent de la tombe et lui conseillent de se couper la main. Évidemment, ce sera le début du carnage. Au-delà de son scénario déjà bien sympathique, ce film jouit d'un casting étonnamment solide. Outre Devon Sawa et Jessica Alba, les amateurs retrouveront également Seth Green, échappé de Buffy, Vivica A. Fox en période pré-Kill Bill, et surtout The Offspring dans leur propre rôle. Et puisqu'on en parle, la BO est exceptionnelle, remplie ras la gueule de tout ce que le punk rock fin 90s a fait de mieux, de Rob Zombie à Blink, en passant bien sûr par The Offspring et beaucoup d'autres. À ce stade, vous avez déjà compris pourquoi ce film est si sympathique, surtout quand on le découvre ado. Il est très ancré dans son époque et dans la culture MTV en particulier, et c'est peut-être là son petit défaut. En effet, autant cette période était chouette pour le punk rock, autant l'esthétique visuelle des films estampillés ado MTV était un peu moins enthousiasmante. Pour le dire autrement, la réalisation n'est pas folle et la direction artistique aussi anonyme que Devon Sawa aujourd'hui. Malgré des maquillages et autres SFX en dur très bien fichus, bien qu'étonnamment propres. Mais pour être parfaitement honnête, ces petits détails ne gâchent aucunement le plaisir un peu coupable que représente ce métrage. Pour Halloween, je vous le conseille avec quelques potes, des burgers surgelés et un pack bien frais de Devel ou de Brewdog. Ça fera une mise en bouche légèrement agressive avant d'attaquer plus sérieusement votre soirée. À la prochaine les bourrinos et joyeux Halloween!